C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Capo des capis. Ce soir, ladies and gentlemen, Planète Rap Alonso. Et c'est parti pour le dernier Planète Rap de la semaine. Jour de sortie. Bonsoir, jour de sortie, jour de dinguerie, jour de rafalage. Jour d'Alonso. Exactement, et jour de mon invité du soir. Et ben on va découvrir les invités ce soir, enfin les invités, il y en a un. J'ai envie de dire invité, mais il a bossé avec toi, donc c'est Spike Miller qui est tout le temps là. Chaque soir, il est toujours là aussi, vendredi pour conclure. Donc ça y est, c'est dans les bacs depuis ce matin. Voilà. Certains l'ont eu hier soir. Exactement. Pour ceux qui l'avaient précommandé. Voilà, exactement. Bon, les retours, ça va? Tout se passe bien pour l'instant? Ouais, je suis en promo, je vois pas trop. Je vais essayer de, avant de me coucher, d'aller regarder dans les réseaux sociaux. D'aller ça dit un peu, d'aller checker. Avec le hashtag Alonso sur Skyrock, vous balancez aussi tous vos messages. On va présenter l'invité de ce soir dans un instant. Juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé durant cette semaine avec toi, Alonso. Écoute. C'était toute cette semaine avec Alonso, en direct sur Skyrock. Zino, est-ce que tu peux nous apporter, Zino, s'il te plaît, le cadeau pour monsieur Alonso? Et faire du bruit, c'est le disque d'or. En direct dans l'émission, vous pouvez voir les images sur le skyrock.fm. Merci. Voilà, on te remet donc officiellement ce disque d'or. Est-ce que ça fait toujours plaisir, Alonso? Parce qu'on a déjà eu des disques d'or, c'est pas le premier. Alors, voilà, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'en ai énormément. D'ailleurs, je les donne toujours à ma mère. Là, n'a rien à foutre. J'en ai au moins. Qui les met dans un coin? J'en ai au moins 4 avec mon groupe et je m'attendais pas. Je t'avoue que je m'y attendais pas. C'était toute cette semaine avec Alonso. Sur le terrain, gros engin, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. Y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Sur le terrain, gros engin, que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. Y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Que des mecs pleins, y'en a assez. Soleil plein, les problèmes pleins, Philippe plein, y'en a assez. Showtime Alonso. Planète rap. Alonso, en direct sur Skyrock. Let's go. Voilà, il y avait du live hein, cette semaine, comme vous avez c'était pu chaud. L'entendre. C'était chaud. C'est chaud. C'est vrai qu'on a. Voilà, il y avait comme invité Koffs, il y avait Graya, il y avait Elams, il y avait Hussein. Voilà, ils sont sur la mixtape tous. Et ce soir, ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Tu n'es pas venu seul. Et il manque, le cinquième à qui j'ai offert un track donc dans cette mixtape qui le mérite bien. Il s'appelle Esteban. Esteban, comment va? Ça va bien et toi, Fred? En pleine forme. En pleine forme. Comme vous le reconnaissez certainement, Esteban vient du sud. Exactement. Peut-être de Marseille, Esteban, non hein? Ouais, plus précisément du plan d'Aou, 15e. Voilà. C'est à la maison, c'est à domicile. C'est à la maison, c'est à domicile. Bon, Esteban, comment va? Ça va. Petit CV express d'Esteban. Alors, Esteban, je faisais partie d'un groupe qui s'appelle L'In26, avec un petit parcours très honorable. Voilà, on va dire ça. Première partie des Psychas de la Rime, les Cités d'Or. Entre autres, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Et voilà, ça fait 2 ans que je suis en solo, que je taffe mes bails, mon projet. Doucement, et voilà, là ça arrive. Présent sur Capo des Capis volume 1. Voilà. Et puis toujours, ouais, c'est cette amitié entre vous, parce que c'est vrai que ça fait un moment, L'In26. Exactement, tu connais, hein, tu te rappelles. Bien sûr, voilà, L'In26. Exactement. Mais c'est un Young, il vieillit pas. C'est joli, il a perdu. Vous savez, à Marseille, il y a un truc. Hein. Ouais, je sais pas, les gens, les caméras, regardez ce beau gosse, il y a le Mistral, je sais pas, il y a un truc qui fouette le visage qui fait que vous restez figé. Ouais, exactement. Mais il met beaucoup de crème, je crois. Ouais, c'est un de mes petits secrets. Petit conseil cosmétique avant le week-end, donc exactement, la crème. Mettez de la crème après la douche. Voilà. Sur tous les niggas, c'est important. Voilà. Sinon, on a la peau en croco. Bon, bah, on découvrira le morceau ce soir. Hein. Ceux qui ont déjà la mixtape connaissent le morceau d'Esteban. Ouais, et il faut savoir qu'Esteban aussi a envoyé un clip à 19h. C'est Elvira, c'est ça. Le titre, c'est Elvira. Allez-y, matez ça. Voilà, Esteban, Elvira. Esteban sur officiel. Exactement. YouTube. Le morceau est très très chaud. Et voilà, on a dit ce soir qu'on passait plein de titres, donc plein de titres de la mixtape. C'est la fête ce soir. C'est la fête ce soir. Ce soir, c'est soir de fête. Et en plus, on parle du clip d'Esteban, mais à 19h, et on oui. a balancé et aussi oui. le clip avec Ben H, 40 000 gangs, 92i. Le morceau s'appelle Cauchemar. Pour ceux qui n'ont pas vu ce clip, allez voir ça. C'est une dinguerie. Gros big up à Ben H et à tout le 40 000 gangs. Eh bah très bien, on débute maintenant le Planet Rap avec Alonso. Fini les pour débuter. On comme attaque. D'habitude, comme allez, d'habitude. C'est le week-end, ma berceuse, c'est parti, ma berceuse. C'est la berceuse. Ils croient qu'ils sont forts. Petit mesquin, j'suis là depuis Luciano. Get out shit. Parlons français. Tu n'as pas percé. J'te jure sur mon fils. Ils ont pas un euro. Je n'ai jamais fait semblant. Dégainer des délinquants. J'ai tout niqué avec la psychiatre. Tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent qu'à s'y finiler. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit finiler. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie finiler. Même mes enfants innocents me disent papa finiler. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sauts dans rap, parfois. Je reste que par amour pour les abattre. C'est la bagarre, faut que ça soit rentable, mais qui rivalise? Qui? J'sais pas, tu es bizarre, j'vais te baiser ta race, ramenez-moi les calibres. Si ça part en couille dans le rap game, enterre-moi Fumboni. Protéger ma mère si elle souffre, j'ai pas fini. On dit que je rappe pour les minots. 82 ans, j'ai pas mûri. Toujours crapuleux sur le piano. Tu le sais. Mes amis d'enfance me croisent, ils m'offensent, ils me disent qu'à s'y finiler. Je reçois des appels, des promesses, des quartiers chauds, Marseille me dit finiler. Même avant de dormir le soir, ma femme me dit ma vie finiler. Et mes enfants innocents me disent papa finiler. Chaque jour je fais le tour, je reviens sur mes pas. Vais-je arrêter un jour, voilà je sais pas. J'ai fait des sous dans rap, parfois. Je reste que par amour pour les abattre. Les rappeurs bavent, je ramène à boire. Je vous pisse à l'arrêt, je suis un bâtard. Dis-moi qui sont ces bellos. Je suis Alonso, je vous fais hagard, je suis le capitaine Capo. La mixtape est dans les bacs, mamé. Chazamoi ça, mamé. Capo, je suis le capitaine Capo. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour aller chercher cette mixtape Capo de Capi volume 1. Merci à tous mes invités. Ben H, allez voir le clip. Yeah, 1, 3, 9, 2, dealer. C'est Alonso et Capo Décapi dans les bacs depuis aujourd'hui. Vous avez aussi tout le week-end, allez-y ce week-end hein, pour récupérer. Exactement, c'est bien, c'est sorti le vendredi. C'est bien le vendredi, on peut y aller le week-end, vendredi, tranquille. Vendredi, le week-end, tu vas le prendre, lundi à l'école, tu en discutes. Vu qu'il n'a pas pris, il y va mercredi après-midi. C'est vrai. C'est génial. Et bah très bien, donc c'est sorti aujourd'hui, Capo Décapi, vous retrouverez ce morceau. Et puis c'est 17 ça. Autres titres, hein, c'est ça, hein, 17 titres. Hein. 17, 12 voilà, de toi. Voilà, 12 avec quelques de featuring. Avec quelques featuring. Et voilà, 5 d'artistes que j'aime énormément. Et ce soir. Qu'on a pu présenter, ouais, cette semaine. Toute la semaine. Et ce soir, c'est le soir de Esteban. Je vais faire une dédicace à Spike. Excuse-moi, Steve. À Cédric Kaila qui a fait le clip c'est de vrai. Finilé. Ouais. Et le clip de Cauchemar. Clip. Et le clip qui est sorti tout à l'heure, le clip de Cauchemar. C'est vrai. Très très gros travail. Je Merci. Pense que c'est pas fini pour lui. Ouais, il ouais, fait ouais. que commencer, il va faire du gros bruit. Cédric, quand le clip il a atteint les 1 million, il m'a dit c'est la première fois qu'un clip à moi il fait 1 million. Ben regarde Cédric, aujourd'hui finilé, il est à 8 millions. Et Cauchemar il est sorti aujourd'hui, donc je pense qu'il va, il va avoir un beau parcours aussi. Bon, il est bloqué déjà, hein, plus de 301 vues en fait. T'as remarqué ouais, sur, ouais, quand tu balances voilà. un clip en fait. Exactement. C'est un truc, c'est bloqué. Mais maintenant ça se débloque un peu plus rapidement. Bon, et ben on suivra évidemment tout ça. Et on salue donc Cédric qui a réalisé ces deux clips. Esteban, tu le disais, qui est là, qui lui pareil en solo depuis l'aventure Ligne 26. C'est ça. Voilà, depuis que ça s'est terminé, on va dire depuis 2013, j'avais balancé un petit track. Puis un deuxième, et voilà. Et alors, puis un troisième, et voilà. Et et une apparition maintenant sur Capot des Capis, exactement, volume 1. Exactement, exactement. En fait, depuis 2015, je travaille avec un label marseillais qui s'appelle Beat Bounce. Gros big up à eux, Seb, Mike, Mas, SO. Aïe. Et voilà, on espère, j'espère, envoyer un premier projet en solo. Ouais, j'ai demandé, c'est pour quand? 2016 plutôt? Voilà, on va dire dans les mois qui arrivent, là on envoie et on prend la température. Bon, et c'est un beau coup de projecteur aussi hein, d'être sur le projet d'Alonso. Exactement, exactement. Merci à Kassim. Normal. Merci pour à la toi, force. Merci voilà, quand il a toujours été un peu derrière à chapeauter un peu mes projets, voir un peu jeter un œil sur ce que je fais. Et voilà, il a en fait l'histoire du morceau, c'est que je l'avais fait au courant de l'année 2015. Et il est arrivé à ses oreilles, même moi je savais pas. Et il m'a dit, je le veux pour Capot des Capis. Ouais, voilà. Je l'ai volé. Ah, t'es arrivé, tu t'es dit, il me le faut. Il voulait le sortir, je dis, s'il te plaît. Ça, il a besoin d'être mis en avant. Et voilà, vu que j'ai un peu d'exposition, je me suis dit, c'est l'occasion de le mettre sur cette mixtape. Je pense qu'il a clippé ou il va le clipper. C'est déjà clippé, ça arrive. Tu vois, ça va. Incessamment sous peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met maintenant ou pareil, on patiente un petit peu? Spike Miller, je pense qu'aujourd'hui. Spike, c'est lui qui décide. Ouais, ce soir. Spike, il est déter, il veut vraiment faire. Ouais, c'est le patron. On va commencer avec Cauchemar. Ah ouais. Alors, ok. Voilà. Donc, voilà. On va écouter Cauchemar. Un petit mot aussi sur Ben H, donc de 40 000 gangs. Ben H, qui est présent sur la mixtape. C'est un morceau qui a été fait, je pense, cet été aussi. Je l'ai appelé, j'ai dit que j'ai un track pour toi. Toi, tu les as connus par Booba aussi, l'équipe de 40 000 gangs. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'écoute tout le monde sur Internet. Donc, voilà, les gars, ils ont envoyé pas mal de morceaux. Ils ont sorti une mixtape au mois de juin. J'ai acheté ça. Anarchie. J'ai écouté. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ben H, je trouve que c'est un artiste qui a une plume. Même si on fait beaucoup d'ego trip, mais il a vraiment une plume, il a vraiment un style à lui. Et je trouve que cette collaboration est très réussie. Et tout simplement, chapeau, et j'espère que ça va continuer comme ça pour ce groupe. On va écouter maintenant ce morceau qui s'appelle Cauchemar. Il y a le clip, est arrivé. C'est un vrai cauchemar, les gars. C'est un vrai cauchemar pour le rap français. Allez, c'est parti. Allons-y. Capot des Capis, volume 1. C'est dans les bacs depuis aujourd'hui. On peut toujours commander. Allez-y. Hein. Allez, cliquez aussi pour l'avoir maintenant. Fight. 1, 2. Yeah. Mamé. Attention. Ils ont peur du noir, mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir, mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Je suis blanc comme neige mais j'ai un baveux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Je suis blanc comme neige mais j'ai un baveux. Je brille dans le noir, j'allume mon joint de bœuf. Les poucaves sortent pas de chez eux. Je vis dans un manoir, t'es dans un T2. Je sors en peignoir avec une arme à feu. On dit que les chiens font pas de chatte. Bizarrement ta chienne a une grosse chatte. Sur un coup de tête je rejoins Ayu Okana. Pendant que tu fais la queue pour du biscana. T-shirt sans logo, c'est un disquaré. Tu me dois des sous, je rentre chez toi comme le raid. KFC remplacer vos frites pourries par du riz. De reconduire une Clio, je préfère mourir. Je par un showcase avec 15 VHR. Faubourg Saint-Honoré, ma bagagerie est très très chère. T'insultes ta mère, tu fais le canard devant ta copine. J'ai fait un cauchemar, j'travaillais à l'usine. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. C'est un vrai cauchemar, maman. Ils ferment les yeux. 1, 3, 9, 2. J'ai un baveux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Je suis blanc comme neige mais j'ai un baveux. Je leur laisse des traces indélébiles. Je suis en prestache et collette à leur domicile. Clé de bras, cassage de bras, je suis habile. Combat César, je suis agile. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Pour du succès, j'en connais qui vendraient père et mère. Si je te parle, c'est pour ta chatte. Qu'à lâcher dans le 4x4. Je compte sur personne, fuck les maps. Fight, fight. J'suis un boss, un Hugo. Appa, hôtel, Adagio. J'fais des cauchemars, j'suis en classe éco. Jack. Au goulot. J'suis un redoutable chef de guerre. La cocaïne vient de Martinique, on la revend et la R. J'y refare les mains en l'air. El Diablo, sur les tibias, j'n'ai plus de nerfs. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Je suis blanc comme neige mais j'ai un baveux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Ils ont peur du noir mais ils ferment les yeux. Je suis blanc comme neige mais j'ai un baveux. Non je peux, Alonso Barbe. 40 000 j'ai un L, je n'ai je hais. 9-2, 1-3. Souleymane Beat, tu ris. Bien ou quoi la famille? DJ Sai Sai, prends ton téléchasse frérot. Vrai, c'est la rue poteau. C'est la rue là. Ouais. Merci Spreke. Merci. Alonso avec Benach à l'instant, le morceau qui s'appelle Cauchemar qu'on retrouve hein, sur ouais, le projet. Il est épais ce morceau. On dit plus il est lourd, il est épais. Ah, on dit il est épais, c'est ouais, la tendance. Il est épais. Okay. Il est épais. Dur à avaler. Et ben envoyez des messages, dites-nous si vous le trouvez épais ou, voilà. ou pas. Le message 41759, le hashtag c'est Alonso sur Skyrock. Tiens Alonso, on t'a filé un portable en début de semaine. Ouais. Qui est là, qui est le 06 71 74 94 15. Mais tu n'as pas pu tout écouter, et notamment les messages sur le répondeur. Waouh. Donc nous t'avons fait une petite sélection. Ça me fait peur ça. Des messages, on n'a pas pu tout prendre hein. C'était blindé, c'était c'est dur de laisser des messages. J'arrête pas de sonner, c'est énorme. Tiens, écoute ce que les gens ont laissé pour toi. Oui, bonjour, police municipale. Vous voulez répondre à notre appel public. Je veux simplement te dire que je te suis depuis longtemps, Harry, depuis le cadre de la rime. Je veux te dire que tu fais du bon travail, mon frère. Oui, allô, Alonso, on attend le planète rap, on soutient. Vas-y, j'espère que tu vas faire ça bien. Et si tu peux faire une petite dédicace, Sofiane de Tours, vas-y, big up, mon gars. C'est tout niqué avec la petite agrafe, tu le sais. Mes amis d'enfance me voient, me disent pas le cas, c'est fini, là. Je reçois des appels de bombes et des cassés chez Marseille, mais dis fini les. Wow. Allô, Alonso, c'est juste pour te dire qu'à Marseille, en t'écoutant beaucoup de partout et que voilà, tu es le meilleur, tu es tel quel. Merci. De plus en plus, tu progresses et franchement, ça me respecte. Un point que tu t'imagines même pas. Bisous. Merci. Ici, Elodie, dis que tu continues comme ça et représente bien Marseille. Est-ce que tu es prêt à faire un duo avec Pascal au bistrot ou je sais pas moi, avec Rihanna hein? Non, avec Amel Bent ou pourquoi pas avec Claude Bartosi ou Claude François. Moi, ce serait bien. Fin de nouveau message. Vas-y, Claude François. C'est énorme. C'est énorme. Il y a tout, hein. Il y a des gens qui laissent des messages très tard, c'est pour ça que c'est parfois énorme. Il y a des trucs. Il y a un message dans qui m'a touché. Ouais. C'est tu progresses. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un bagage quand même dans le rap. Et de me dire, après 4 albums de groupe, 3 albums solo, là, la mixtape, tu progresses encore, ça me touche énormément. C'est vrai ? Mais c'est ce que tu ressens aussi ? T'as l'impression aussi ? Ouais, c'est ce que je ressens. Comme je te disais en début de semaine, tu vois, je suis totalement libéré. Je pense que ça se sent dans les clips, dans la manière dont je prends les morceaux. Et ça me fait plaisir que mon public le ressente. Le ressente aussi. Ouais, exactement. Voilà, c'était pour la jeune fille qui nous a un message du côté de Marseille. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas tout compris aussi. À un moment, la police municipale qui essaie de nous joindre. Qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Je pense qu'il y a quelques petits plaisantins qui doivent appeler avec ce numéro en disant oh, rappelez-nous, un truc comme ça. Je pense qu'il y a. Tant que c'est la municipale pour l'instant, ça va. Attendons la suite. On va revenir dans un instant. Est-ce qu'on mettra ce morceau d'Esteban ou autre chose? Attends, je me tourne vers Spike. Je sais pas, Spike, on laisse patienter les gens parce que le morceau d'Esteban. Bon, il est et on a dit qu'on mettait beaucoup de sons d'Alonso. Donc qu'est-ce qu'on met ce soir? On va faire plaisir à ceux qui ont acheté la mixtape et on voit un peu les morceaux qui kiffent. Et il y a beaucoup de messages. On va passer Elle t'a tué. C'est le choix de Spike. Ouais, mais en et fait, le choix là, des envoie, auditeurs qui là, ont des là, messages. Là, il envoie ses chouchous, là, en fait. Il envoie ses chouchous. Ah, c'est ça, tu dis que c'est les gens, mais c'est. Attends, comment tu peux dire que c'est mes chouchous? Non, c'est vrai que je l'ai. C'est vrai, il y a 17 tracks. voilà, j'ai 17 chouchous. Hein. Et bah, dans un instant, ne bougez pas. Et puis, il y aura aussi le morceau d'Esteban premier avant la fin de l'émission. Vous en freestyle. Et la roulette qui tournera tout de suite. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planète Rap. Alonso. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap du vendredi soir avec Alonso. Jour de sortie pour la mixtape. Ouais, c'est la dernière. Jour de fête. Mais avec Esteban. Avec Esteban qui est là, avec Spike Miller aussi. Toujours. Et j'ai l'impression que tu vas beaucoup revenir encore dans les prochains mois. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je sens que t'es chaud en ce moment. Je sens que tu enquilles, ça y va là. Regarde, le premier extrait, je crois que du volume 2, je pense que je vais l'envoyer au mois de novembre. Voilà. Donc, déjà j'ai 4 clips là dans le chargeur pour le capot des capis volume 1. Donc on va les enchaîner semaine après semaine. Vous aurez, je sais pas, peut-être les vacances de la Toussaint pour vous reposer, plus m'entendre. Et encore, et encore. Et encore. Et encore, mais ça va venir très rapidement. Donc la suite arrive aussi, et puis là, il faut quand même en profiter de celui-ci. Bien sûr. Capot des capis, volume 1. Ouais. Alors on avait dit avant la pub, Spike, je me tourne vers toi. Le morceau. Elle t'a tué. Ah, c'est Elle t'a tué. Promener gros fragile. Hey, t'as tué, franchement. C'est pas qu'il est transformé ce soir. Je sais pas si c'est le week-end qui jour de fête. Jour de fête. Ça fait plaisir. Le projet est sorti. Quelques mois de travail que les gens peuvent enfin découvrir. Ouais. Ça fait plaisir. Je sens que si on chauffe bien, il peut nous ambiancer tous les titres, même sur tous les morceaux. On balance, il peut faire le MC ce soir. Regarde, il a son tableau de bord devant lui. Il peut même bifurquer sur un inédit du prochain projet, j'ai l'impression. Ma foi. Allez, on écoute ce morceau, Elle t'a tué, c'est parti. C'est extrait du projet qui est dans les bacs depuis aujourd'hui, Capot des Capis, volume 1. Elle t'a tué. Tu ne portes plus tes couilles, voilà, elle t'a tué. Tu deviens si fragile, tu en as marre, tu cauchemars. Tu veux consulter sa mère, dis c'est pas normal. Elle reste là, elle a pourri ta vie. L'ami, elle t'a tué. Tu deviens si fragile. Elle t'a tout pris avant de partir. Tu sais plus sourire, tu vois plus l'avenir. Tu dors même plus le soir, tu arrêtes plus de boire. Tu deviens un zombie et dehors ça va vite. Même pas tu en parles, c'est match normal. Tu mens à ton cœur alors que t'as perdu l'âme sœur. Tu niques des crasseuses, elles te prennent ton fric. Plus rien de magique, tu repenses à ces mimiques. Dire qu'un autre l'a pécho, d'après ton poteau. Tu dis que c'est faux, qu'elle reviendra bientôt. Franchement lâche l'affaire, quand c'est mort c'est mort. Peu importe qui a tort, je sais t'es un gars en or. Mes frères, t'as tué. Tu ne portes plus tes couilles, voilà, t'as tué. Tu deviens si fragile. Tu en as marre, tu cauchemars, tu veux consulter sa mère. Dis c'est pas normal, elle reste là, elle a pourri ta vie. L'ami elle t'a tué. Tu deviens si fragile. On te reconnaît plus, qu'est-ce qu'il y a tes paroles. T'as pris un coup, brûle pas sa Twingo. Pourquoi tu l'appelles, elle prépare son hlel. Tu veux faire bordel, que ça parte en mauvais d'elle. Et ton état fait qu'empirer. Elle disait qu'elle t'aimait, qu'elle porterait ton bébé. Les gens vous jalousaient. Combien de fois t'en rêves, personne quand tu te lèves. Tu la traites de cochonne, c'est parce que tu marronnes. Ta daronne te connaît, elle sait que t'as le mât. Bouge au baléa, prends un nouveau départ. Oublie son terme, tous ces petits plats. Tu cherches à te caser, bizarrement t'arrives pas. Elle t'a tué. Tu ne portes plus tes couilles, voilà, elle t'a tué. Tu deviens si fragile. Tu en as marre, tu cauchemars. Tu veux consulter sa mère. Dis c'est pas normal, elle reste là. Elle a pourri ta vie, l'ami elle t'a tué. Tu deviens si fragile. Tu la saoules, elle est sourde. Tu t'étouffes, elle te bouffe. Mais elle a tout, elle a tout. Ta vie sans elle est un enfer. Tu l'as prise, elle t'a pris. Tu la suis, elle te fuit. Nique sa mère, nique sa mère. Tu es mon frère, j'ai trop les nerfs. Grosse dédicace, Benjamin Mendé. C'est bon, snap-moi ça. Hamza, vrai. Elle t'a tué à l'instant, c'est extrait du projet Capot Décapé. Tu ne portes plus tes couilles, voilà, elle t'a tué. Elle t'a tué, elle t'a tué. À l'instant, Alonso, Fred, il se reconnaît dans ce morceau. C'est quoi ce petit show, petit... Voilà, ce petit pic, là, ce petit clash. Comment ce tu l'as clash. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Fred, je suis un grand directeur artistique. Dans ta voix, comment tu l'as sorti. J'ai senti que, voilà, il y avait du... Tu ne portes plus tes couilles, voilà. C'est ça, vas-y, on pose bien le truc. Vas-y, on pose bien le truc. Et toi qui chantes les meilleures parties du morceau. Bravo. Tu deviens si fragile. Totalement fragile. On va régler ça, Spike. Oh putain. Tous les deux. Tu parles du PSG, t'es fier là. Ah mais toi, t'es. Attends, rappelle-moi un truc. Excuse-moi, tu viens d'où toi, Spike? Je suis né à Paris. Tu es né, voilà. D'accord, c'est, pour l'instant j'avais ça en tête. Ouais. Paris 13e. Ouais. Et là, le choix de l'OM, c'est de quand? Depuis. Depuis, je crois, 92, je regardais la télé, l'OM me faisait rêver. Ah, vu que je suis fidèle, ben voilà, jusqu'à maintenant. Merci. C'est comme ça. C'est pour ça que tu l'as ambiancé avec toi, quoi, je comprends maintenant. Non, même pas, c'est qu'il est talentueux. En même temps, ça partait mal, regardez. Il est né Paris 13, donc il y avait un truc. Paris 13. Il y avait un truc particulier. C'est un méga du Paris 13, Samba. Dès la naissance, il y avait un truc bizarre. Bizarre. Bon, on parlera pas foot ce soir, non? Non, quoi. Pas la peine. Chacun supporte son équipe, il n'y a pas de soucis. Là, on fait du rap, on est bien, et voilà. Il y en a qui sont en Champions League, d'autres en Europa League. D'autres non, c'est comme ça, c'est la vie. La roue, elle tourne. La roue, elle tourne, voilà. Exactement. Concentrons-nous plutôt sur le projet de Alonso qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. C'est ça. Et merci. On écoutera un extrait, peut-être le morceau avec Esteban dans un instant. Spike. On va écouter le morceau que je lui ai volé. Voilà. Et vous allez voir pourquoi je lui ai volé, pourquoi je lui ai dit je veux qu'il soit sur la mixtape. Donc le morceau volé d'Esteban. Voilà. On l'a volé. Il est venu le récupérer ce soir. Il est venu le récupérer ce soir, mais voilà. Si tu te rappelles bien, on l'a écouté pendant la tournée de règlement de compte. C'est vrai. Sur la route dans le van. Et ceux qui me suivent sur Mauvais Mélange, sur Snap, j'étais en folie. C'était la première fois que je l'écoutais. J'étais en folie. Je faisais putain de life, hein. Putain de life. Le camion a failli se retourner. Voilà. C'est dit, c'est celui-là. Dans un instant, mettez-vous, si vous êtes en bagnole, mettez-vous sur le côté. Ouais, direct. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est plus simple. Ouais. Et juste avant, je vous présente Tanja de Lille. Salut Tanja. Yes, yes, ça va encore. Ça va en forme avec Alonso, avec Esteban, avec Spike Miller. Bonsoir. Bonsoir. Yes, yes, ça roule l'équipe. Nickel, et toi, ça va? Ouais, peut-être, peut-être. Et eh ben on va t'écouter rapper mon pote, c'est parti. Yes. Allez, c'est sur freestyle photo. Par téléphone, c'est go. Vas-y frère. Yeah, papa paya. Hein. Si t'entends tant déjà. Yeah. Avec les sujets qui piquent, ça donne souvent des boutons. J'avance seul comme un lion, en vous regardant comme des moutons. L'important, c'est toujours de garder son calme, rester droit comme un homme, car j'ai jamais baissé le son calme. Les gringos, je suis pas seul tout, posé sur mon radeau, on est plein dans la merde, des galères, on en verra d'autres. Je vais pas parler de mes problèmes, si t'es pas là quand faut faire face, pour tout niquer comme Walter White, moi j'ai opté pour la farta, frérot. On garde MC qui tendine comme Shakira, pas des zooms d'un peu plus près, mais qu'on dirait mon Shakira. Assumer sa paire de couilles, c'est ce que la rue t'apprend, mais ces bouffons n'ont rien compris, ils simulent comme une pute à gants, les idées sonnent. Donc j'ai fini par t'étuper, m'éloigner de tous ces bâtards qu'ils ont fini par t'entuper. Papa Paya, la rime c'est Gilio, avec qui toi feu. Et si je suis dans vos draps, c'est que je dormirai bien soir deux, frérot. Papa, papa, papa, Paya. Yes. Ouais, dans un instant. Ouais, bien, ça kick, bien, sec. Bien, bravo Tanja, tu repars avec le casque Beats by Dre. Ouais, c'est cool, c'est à l'occasion cool, de la sortie bravo, du film poto. NWA qui est sorti mercredi, c'est pour toi Tanja. Bravo ça poto. Bien vu Arlande. Et on va savourer la mixtape là. Ah, ça fait plaisir, elle est dans les bras. Régale-toi, voilà, je merci reviens beaucoup. Du côté de Lille quand tu veux, l'ami. Je reviendrai, ça fait longtemps que j'ai pas. Mais il y a un showcase prévu à Lille en plus. Dans j'ai pas la pas date, longtemps. Mais dans pas longtemps, je crois que je passe à Lille en showcase. Je serai dans la foule, l'ami, tu vois. Voilà, poteau. Et tu sais quoi, moi, mes showcases, même si c'est en club, c'est des concerts. Hein. Ouais, je sais qu'ils vont pas, ils vont pas laisser te rentrer en survette. Ouais, mais. Tu quoi? Tu le mets en dessous? Je le mets en dessous. Survêt en boîte, normal. À l'aise. Voilà. Merci à toi, Tanja. Au plaisir. Porte-toi bien. Ciao, passe une bonne soirée. Puis je pense que toutes les dates, justement, showcase. Ce week-end, t'es en showcase aussi, hein, d'ailleurs. Samedi, je suis à Lyon. Ouais. Voilà, demain à Lyon. Et après demain, on va fêter ça du côté du 9-3 au Garden. Au Garden. Voilà. Donc, voilà, showcase, un bon moment showcase, avec Alonso. Exactement. Il y en a plein d'autres. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, toutes les informations. Toutes les infos pour retrouver toutes les dates d'Alonso. Et on est donc promis le morceau d'Esteban maintenant. Le morceau volé d'Esteban, il s'appelle Putain de Life. Pour moi, c'est un hit. Il n'y a que moi qui a dit ça. Ça me regarde qu'à moi. Maintenant, écoutez et vous allez voir si je mens ou si je mens pas. C'est un hit. Alors, voilà. Menteur ou pas menteur? Envoyez des messages avec le hashtag Alonso sur Skyrock. Voilà, on ça balance. Me cache qu'à moi. C'est parti, Putain de Life. Malgré le sac, la sape et la meuf de luxe. Elle aime les chiens de la cage, donc elle nous trouve beau, même avec la coupe à Pollux. Moi j'aimerais rappeur du quartier, sinon bois les couilles du quartier. Et je suis cru comme Lucas, cruel la vie, comme disait Mélanie dans le passé. Ouais, c'est ma putain de life, c'est ma putain de life. Ouais, c'est ma putain de life, c'est ma putain de life. Elle me fait plus souffrir que rêver. Tiens, hit ce morceau. C'est nos putain de life, c'est nos putain de life. Esteban! C'est nos putain de life, c'est nos putain de life. Aïe aïe aïe. Rêver, souffrir, rêver. Aïe aïe aïe. On l'aime tellement, on finit par en trouver. 9 du mat dans ma série. Déjà, sa bibi. Sort de la drogue pour nourrir la famille, on se croirait en Amérique. On se croirait en Amérique. Prête à tout pour nous plaire. J'reçois un Snapchat. Ça connaît à peine, elle twerk, elle twerk. La chatte à Malice Cyrus. Demande-leur qui veulent pour exemple. De Nabil à 4 fois par jour et qu'une fois par an d'Emmaüs. Mesure de silence, fais couler bouteille de vodka. Ce soir je m'arrête tant que j'en ai fait le C'est ma putain de life, c'est ma putain de life. Kéké, Jojo, Greg Bell, Smaha, Gle Gle, on pense à vous les frères Zangui, putain de life, Feder, Esteban, Chi, oui, l'amour est mon destin, tout se joue sur une luge, on reste le temps de give, un dernier kiss à un gamin daron, ou un premier fils à ma muse. Un salaire de seul art, j'ai promis que je lui paierai des choses et des. Si tu t'as 300 bras, j'suis dans le game, il croit pas que j'm'amuse. J'ai des frères qui passent à la barre, wesh la concurrence ou être peu. J'ai promis que je vous rouerai de coups. Après les codes, vous direz tous, il est doué, fou et tout. Mais j'm'en bats les couilles de vos analyses de purée, ça ramène pas de flou. Ah, let's go, par un impro, par un ego, Samuel et tout. Si toi dans ta tête, c'est même MOET, non, c'est le Koweït et le Soweto. Oui, c'est le bordel dans ma life. Voilà, c'est hit ce morceau. C'est ma putain de life, c'est ma putain de life. C'est ma putain de life, c'est ma putain de life. Elle me fait plus souffrir que rêver. Mais je l'aime tellement que je vais finir par en crever. Alonso, capot décapi, la mixtape est dans les banques. C'est maintenant Esteban, Marseille, City Beach, Fede. S.O. Salim, Moni, Baba, Jalil. Aïe. Putain de life à l'instant, c'est un morceau que vous retrouvez sur Capot Décapi avec Esteban qui est là ce soir entre 20 et 21. Si, c'était si. Le feu dans le studio, hein. J'espère que c'était le feu chez vous aussi. Merci, merci Esteban, merci beaucoup. Je me répète, mais pour moi c'est un hit ce morceau. Merci, merci voilà, Pouze. Voilà, c'est un hit. Ben, j'espère qu'il sera bien reçu comme tout l'ensemble de la mixtape. Et encore un grand merci à Alonso de m'avoir invité sur le projet. C'est un honneur, c'est un plaisir. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé, que vous allez kiffer. Tu sais, je vais te couper, Zin, mais il a envoyé deux ou trois morceaux, je pense, ces derniers temps, les mois précédents, et je trouve vraiment qu'il a trouvé sa voix. Tu sais, c'est un peu moi, quand j'explique un peu mon premier, mon deuxième album, ça manquait un peu de cohérence, tu vois, et je trouve que là, les Call 1, Call 2, Pepe Ross, les gens, allez-y cliquer Esteban sur YouTube, et je pense qu'il a vraiment, vraiment, vraiment trouvé sa voix, et je pense qu'il va vraiment frapper sur un arbre jusqu'à qu'il tombe. Et ce morceau encore en est la preuve, le morceau qui est sorti à 19h, le clip en est la preuve. D'ailleurs, je reçois des messages, merci à tous ceux qui m'envoient des messages pour le son Elvira qui est sorti, le clip en ligne, voilà, sur mon Facebook, sur YouTube, Esteban Elvira. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, ça fait plaisir, qui me suivent, qui me supportent. Donc voilà, et donc Esteban qui bosse sur un projet là pour les mois à venir. C'est ça, exactement. On suivra ça, on guettera ça. Tiens, d'ailleurs, comme on va parler aussi un petit peu à venir. Donc là, l'avenir, c'est évidemment toi, la tournée dans les clubs, dans les différents endroits. Mm-hmm. Un album aussi, tu penses aussi déjà un album à Londres? Parce que là, on a parlé mixtape. Ou c'est trop tôt? Je sais pas. Je vais faire énormément de morceaux. Est-ce que ça va être un album? Est-ce que ça va être un volume 3 ou un volume 2? Je sais pas. On va voir déjà comment ça se passe avec cette mixtape. C'est sûr qu'il y aura un projet en début d'année. C'est certain. Il y aura le premier extrait en novembre. Mais maintenant, dire que c'est un album, je pense que c'est encore trop tôt. Et sur les sonorités, justement, parce que c'est vrai que là, on voit les sonorités qui t'ont permis aussi d'évoluer. À Londres, toi, tu vois comment l'avenir sur ces sonorités, que ce soit la trap, Spike, c'est, la question est valable pour toi aussi. Qu'est-ce que vous ressentez, vous qui êtes directement dans la musique, qui faites aussi les tendances d'ailleurs? Est-ce qu'on va rester sur un courant comme ça? Est-ce qu'on va revenir sur d'autres choses? C'est comme tout, hein. Moi, comme je dis, tu sais, la West Coast a instauré un style de son, Dre a instauré un style de son qui est resté pendant X années, que tout le monde a essayé de copier. Quand Eminem est venu aussi, bien plus tôt, Mobb Deep, New York a instauré un style de son qu'on a tous essayé de copier. Voilà, ça passe, c'est du vent. Là, il y a la trappe qui est en train de frapper. J'ai l'impression que ça va passer, comme tout. On peut voir, tu vois, un gars comme Nekfeu, il fait pas de la trappe aujourd'hui, mais c'est du très bon rap ce qu'il fait. Et moi, ça me plaît. tu vois, c'est différent de tout ce qui se fait actuellement. Et Esteban, moi je trouve que c'est pareil, tu vois. Ce qu'il fait, c'est pas forcément de la trappe, c'est différent de tout ce qui se fait. Ça va passer, c'est des courants musicaux. Le plus important, c'est que nous, en fait, en restant soi-même, on s'adapte à ce qui se fait dans l'actualité. Pas copier bêtement, parce que j'appelle ça une mode, mais s'adapter. Voilà. Spike, t'as cette même vision aussi, toi, qui est directement dedans, parce que tu fais des sons. Surtout, on calcule pas. On se dit pas, tel, un tel a fait ci, un tel a fait ça, donc on va faire ça. Ça dépend de l'humeur du jour. C'est comme cette mixtape Capo des Capi volume 1, elle a été faite très rapidement. C'était vraiment sur le champ, on écoutait les prods qu'on recevait. D'ailleurs, un gros big up à tous les compositeurs qui ont bossé sur ce projet. Donc on recevait les prods et on écoutait, on se dit ah ouais, celle-là on trouvait un délire, allez c'est parti. S'envoyait quoi. C'était très vite et je pense que ça nous a réussi. Et sur l'album RDC, c'était aussi comme ça, sauf qu'il avait plus de choses personnelles à raconter aussi. Donc voilà, on verra comment la vie elle est. Parce que autant on va être d'humeur à raconter des choses. Donc on va prendre plus de temps pour conceptualiser un morceau. Ouais. Comme on sera d'humeur à faire la fête et on va rentrer en studio, on se dit bon allez, on fait un morceau et on raconte ce qu'on voit, ce qu'on a envie de dire. Voilà, c'est, il y a rien qui est calculé. Bon, et ben on attend de toute façon la suite évidemment à Londres. Bien sûr. Je t'ai pas posé la question des psychiatres parce qu'il y a pas Sia Style, mais c'est pas d'actu. Ouais, c'est vrai que c'est Sia Style qui définit. C'est lui qui dates, définit, mais il t'a pas appelé pour te donner une date 2017, 2018. Non, il m'a dit dis rien. On laisse bien bouillonner la marmite. Voilà, tu vois, Sopra, il fait son bout de chemin, ça se passe super bien. Moi, je fais le mien. On est un groupe. Tu vois, on a jamais. On salue Vince aussi. On salue Vince. Vince. Le taulier. Le vrai taulier. Le B, le sang. Donc, chaque chose a son temps. Et voilà, on est ensemble. Fort. Allez, on écoute un autre morceau avant de conclure cette émission. Il y aura aussi Normal encore à passer. On a le temps d'en passer deux. Bah voilà, Normal et un autre. Ouais, Normal et un autre, je sais pas. Spike. Tu dis quoi, toi, le Spike, on part sur quoi? Attention, c'est l'avant-dernier morceau, avant Normal. Avec Luch, je sais pas. Peut-être. J'ai une préférence pour Zouké. Ah. Le morceau avec Luch, on l'a pas passé hier? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on l'a passé hier. Pas sûr. Hein. Et ben mettons. De toute façon, les gens ont la mixtape. Donc franchement, Spike, tiens à l'honneur. Zouké. Choisis. T'as envie de Zouké? Ouais, Zouké. Et bah Zoukon. Pas de soucis. Zoukon. C'est parti. La cala va te faire. Zouké, zouké, zouké, zouké, zouké, zouké. La cala va te faire. Zouké, zouké, zouké, zouké, zouké, zouké. La cala va te faire. Zouké, zouké. C'est l'un de mes morceaux préférés, ma mère. La cala va te faire. Zouké, zouké, zouké, zouké, zouké, zouké. Le singa tu. Tu le singa tu. Tu je bosse, je suis là. Je clash sans stress, voilà. La calage de la tête, c'est moi. Bah les couilles que tu pèses, tabac. L'ambulance est là. Je rappe trop la violence. Lève-toi de la chaise, ara. Le rap, je le baise, zaka. 2015, bien, je stresse. J'ai mis tout à ville en presse. Sans toucher à la 16 bâtard. C'est combien il en reste. La cala va te faire. Zouké, zouké, zouké, zouké, zouké, zouké. La cala va te faire. Zouké, zouké, zouké, zouké, zouké, zouké. La cala va te faire. Zouké, zouké, zouké, zouké, zouké, zouké. La cala va te faire. Zouké, zouké, zouké, zouké, zouké, zouké. Le singa tu. Tu. Tu. Tu le mzinga, tu. Nabil le voise, les 20 FD. Tu. suis une lâche coquille. Ferme là, je gâche, Bella. Que tout le monde le sache cette fois. Je ne joue pas à cache-cache, je suis là. Quand je tire, tout le monde danse. Et ça zouk dans tous les sens. Alonso fit Nicole, c'est là. J'rappe mes condoléances, y'a quoi? Je réside dans le 13. J'suis au jacté à la 16. Quartier Nord, c'est la base. Moi là, tu parles, nique ta race. La cala va te faire. La cala va te faire. La cala va te faire. La cala va te faire. Le singa tu. Tu l'aimes singa tu. Tu. Capot décapi dans les bacs, mamé. Dealer. J'ai le meilleur public français. Merci à tous ceux qui soutiennent. Sur iTunes, sur les plateformes légales. Ceux qui se déplacent dans tous les magasins pour aller chercher cette mixtape. 1-3, Marseille, quartier nord, quartier sud, centre-ville. Tous les quartiers de France, mamé. Tous les Hebs de France, mamé. Capot décapi, volume 1. Vous retrouverez ce morceau Zouké qu'on écoutait à l'instant avec Alonso sur Skyrock entre 20 et 21. C'était une belle semaine, merci à vous les gars. Merci à toi, merci à toi Fred. Avant de se quitter, on va quand même balancer normal avec ouais, Jul. Histoire normal, de se dire au revoir. Histoire de se dire au revoir, histoire de dire à tout le monde que ça fait plaisir, qu'on voit le soutien, qu'on voit que ça envoie des messages de partout. Que ça appelle non-stop. Que encore, ça appelle non-stop, que les gens ont aimé le morceau d'Esteban, qu'il est lourd, qu'ils ont confirmé que c'était un hit, que j'ai bien fait de le voler. J'sais non, pas, les gens ont dit épais. Les gens ont dit épais. Épais, voilà. Les gens ont dit épais le morceau. Donc, merci beaucoup. C'est dans les bacs. La mixtape est à vous. Voilà, elle est entre vos mains. Régalez-vous. Et avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette, on balance normal maintenant sur Skyrock. C'est parti. Le bon Dieu m'a guidé. L'équipe désolée, c'est devenu sans pitié. Un peu de Jack Mel pour m'exciter. Roue arrière, y'a pas de train, j'frappe dans la cité. Ça prend du shit en lamelle et ramener. C'est toi qui fais le mac, au final tu peux ramener. Mais mes potes m'ont dit t'es en boule d'idée. Au pire, j'mets un masque sous le casque KGB. C'est tout la LON, on dirait la pointa. C'est pour les frangins qui mettent un ilangin. Normal pour les anciens. Pour ceux anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en crête, y'a des mecs comme ça. Que des délits de fuite, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça gratte toute la nuit. Mais j'ai tant de l'ennui. Ça fait des grosses peines. Des baumettes à lui. Je suis en showcase dans le 6-9 Lyon. J'arrive demain, papé. Dis-le. Normal, comme but ta balle. Normal, pas la charge. Normal, j'fume ma drogue. Normal, en cas de poursuite. Normal, j'cache la plaque. Grosse dédicace à la team Jul. Normal. Raptor, hardcore, et j'dors, t'es mort. La nuit pleine d'automie, ça parle et rien que ça dort. Des terres sont mon père, on t'enterre ou on t'enterre. Bédo, perso, moto, hasta luego. Civil, patrouille, ara, la dépouille. Au parloir, au comptoir, en cagoule, en embrouille. En enterre, au bondé, en affaire. Tu vas payer un 3, un plat de frère, son bébé. normal, comme pute à bol. Normal, lâche pas la charge. Normal, j'fume ma drogue. Normal, en cas de poursuite. Normal, j'cache la plaque. Normal, paire de hockey. Normal, en cas de cagoule. Normal, frère, tu es trop bizarre. J'bouge à Ibiza. Passe-moi une rise là. Elle est bonne prise là. Quand tu dévisages, j'vais péter le péage. C'est du Lalonzo dans le virage. Frère, tu es trop bizarre. J'bouge à Ibiza. Passe-moi une rise là. Elle est bonne prise là. Quand tu dévisages, j'vais péter le péage. Braque, braque, braque, y'a ceux qui volent, volent, volent. Ça sent la pince, pince, pince. Ça nique quand qui vole, vole, vole. Trop pour ta misère, zère, zère. C'est du petit zère, zère, zère. Trop trop bizarre, zère, zère. C'est moi qui sers, zère, zère. Ça s'engraine, que ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui. Ça fait des grosses peines, des beaux mètres à lui. Et j'gamberge, plus j'fume, plus j'oublie. Ça s'engraine, ça gratte toute la nuit. Les chétans de l'ennui. Ça fait des grosses peines, des beaux mètres à lune. Et j'gamberge, j'fume plus, j'oublie. Sur un bête en boîte, normal. Comme pute à bol, normal. Lâche pas la charge, normal. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés cette semaine. Normal, j'cache la plaque, normal. Père de hockey, normal. Merci à la team Alonzo. Grosse dédicace à tous les Comoriens de France, à tous les Comoriens du monde. Fumbouni. Marseille. Normal, à l'instant, avec Jules sur le morceau d'Alonzo, normal, c'est ce exactement qu'on écoutait. Exactement. Voilà, allez voir le clip aussi qui est disponible. C'était le premier extrait de Capo des Capi qui a été balancé. C'est le premier extrait de cette mixtape. On a balancé ça cet été. Ça a tourné de partout, ça nous a amené très loin. Voilà. Et ça continue, on fait tourner rapidement la roulette avant de se revoir et de retrouver la radio libre de Difool. C'est parti. Skyrock t'offre ton jeu PES 2016, ta PlayStation 4, plus tes places pour le transporteur héritage. Fatouma de Paris, 20e, comment ça va Fatouma? Ça va, on ça est va. Là. Ça va, Fatouma. En équipe, Fatouma. Ouais, c'est l'équipe palienne, ça, c'est normal. Ah, l'équipe du Mali, je te présente Alonzo Kera. Bonsoir. Pike Miller, Esteban. Grosse dédicace au Mali, grosse dédicace. Ouais, bah, grosse dédicace pour Maurice aussi. Ouais, on est ensemble. Il y a une connexion, il y a une connexion. C'est la même famille, c'est la même Mali, il n'y a pas de souci. Sénégal, tout, c'est la même. Sénégal, tous, toute l'Afrique. Allez, Fatouma, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, la roulette tourne. Ok. Et la roulette va s'arrêter sur la case. La totale. Voilà la totale. Le jeu PES 2016 et les places de ciné pour aller voir Transporteur Héritage. C'est pour toi, Fatouma. Merci. Et ben voilà, bisous à toute la famille. Félicitations. Merci, et ben bisous à tout le monde. Bisous Fatouma à l'instant. Bisous Alonzo. À l'instant. Porte-toi bien, merci. Merci à Alonzo pour cette semaine. Merci Spike Miller aussi pour le projet. Merci à toi. Merci à tout le monde. Et merci à Esteban qui était là ce soir aussi. Merci pour l'invite, Fred, Spike, Alonzo. Normal. C'est un plaisir. Normal. Et n'oubliez pas, allez regarder mon dernier clip. Allez, Elvira. Faites-moi péter ce clip. Grosse dédicace à Beat Bounce, toute l'équipe. C'est vrai. C'est des tueurs. Et voilà quoi. Eh ben merci Esteban. Force à Capo des Capi. Allons, à très vite. À très vite. Mais demain t'es à Lyon. Demain je suis à Lyon. Dimanche au Garden. Je suis au Garden. Et on va finir quand même par remercier le Plan d'Arbre. Vas-y. Voilà tout mon public. Il y a des jeunes qui sortent des mixtapes. Ous qui sort un projet. Il y a SCH aussi qui arrive bientôt. Drolux, on pense à toi. Soulé, Chela. Exactement, il y a Nico qui a mixé cette mixtape. Grosse dédicace à mon boss Nico, à Biswan qui est là. Voilà mon joueur préféré de football, Nabil Gilas. Le voise, à tous les Comoriens, à la Psychiatra, à tous ceux avec qui j'ai collaboré sur cette mixtape, que ce soit Dr Berries, que ce soit Luciano, que ce soit Jules, que ce soit Benache. Voilà, tous ceux qu'on a pu voir tout le long de cette semaine. Voilà, Kofs, Graya, Esteban, Elams, Hussein. Voilà. Et merci à Zaka 2054 et Spike Miller. Merci à Alonzo. Merci à vous tous. Capot décapillé dans les bacs. Passez une bonne soirée. On va retrouver la radio Libre Foul. Dédicace à Bechou, Zangui. Je vous oublie pas les frères. Et tout à l'heure la nocturne 100% rap français. Il y aura du Alonso et une heure avec la FF, puisque la FF demain se produit à Marseille. Ah, que du bonheur. Et on saluera la FF pendant une heure de son marseillais tout à l'heure dans la nocturne. FF. Allez, c'est parti, Diffo, la Radio Libre, ciao. Radio Libre, ouais, ouais. Merci Alonso. C'est parti. Et merci à toi, Fredo. Tout à l'heure, minuit, la nocturne n'a pas loupé. D'ici minuit, attention, grosse soirée spéciale. Ouais. Yeah. L'interview de Tipeee, on vous l'a ressorti. Tony Parker. On a perdu hier. Les bleus du basket ont perdu. Mais on les aime bien, les bleus du basket. On retrouve Tony Parker et un petit bout de Nicolas Batum aussi, quand il était venu dans l'émission ce soir. Restez bien là. Programme d'enfer, vous allez voir, ça déchire. Radio Libre, on arrive tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Il les appelle dans toute la France.